De la pandémie à l'identité numérique, voilà le thème qui va être abordé aujourd'hui. En fait, lorsque je regarde la situation et vers où on se dirige, ce que j'entrevois, c'est si la tendance se maintient, que chaque personne ait une identité numérique éventuellement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que présentement, à cause de la menace de la pandémie, qu'on nous présente dans les médias de masse, ça crée progressivement une situation d'acceptabilité sociale pour la vaccination. Donc, c'est sûr que présentement, il y a une pression là, pour que les gens se fassent massivement vacciner. C'est fort probable que ça débouche sur une forme de vaccination obligatoire, que ce soit d'une manière explicite ou implicite. Implicite dans le sens que si la personne ne se fait pas vacciner, bien, elle va se faire priver de certains droits. Ça pourrait être, par exemple, d'aller au cinéma, d'aller voir une partie de hockey. Donc, différentes choses qu'elle avait avant la période de crise qu'elle pourrait perdre. Sinon, en fait, la pression, comme on peut le voir là, chez, entre autres, le personnel de la santé ici au Québec, c'est, eux autres se sont fait dire, ben vous vous faites vacciner ou sinon, vous êtes obligé de passer 3 fois par semaine à 48 heures d'intervalle des tests avec les covillons pour voir si vous êtes atteint du coronavirus. Fait que la procédure est quand même assez lourde, donc dissuasive de ne pas se faire vacciner. Donc, on crée une situation pour amener la vaccination. Puis, l'objectif, la chef du domaine de la santé, Theresa Tam, c'est que 75% des gens soient vaccinés là, d'ici le mois de juillet ou à août cet été, avec 20% une deuxième dose, dans l'optique de reprendre une vie normale. Donc, en mettant un objectif comme ça à la population, l'idée, c'est que s'il y a 75% des gens qui sont vaccinés, bien, eux autres risquent de mettre de la pression pour que les 25% autres restants ne l'étant pas, ne le deviennent. Donc, à ce moment-là, l'objectif d'avoir une population vaccinée tend à s'actualiser comme ça. Donc, on nous présente ici comme étant la lumière au bout du tunnel, la vaccination. Et moi, ce que je veux dire, c'est que c'est pas nécessairement la façon que je vois ça. Puis on verra, ben, prochain mois, qu'est-ce qu'il y en est. Nécessairement, une vaccination seulement ou deux d'un vaccin comme étant ce qui va amener la sortie de crise. On verra bien quand on sera rendu au mois de juillet, au mois d'août, qu'est-ce qu'il y en est. Parce que ce qui arrive présentement, c'est l'apparition des variants, et entre autres le variant indien. Donc, puis là, tranquillement, ben c'est sûr que si le variant est résistant à la version du vaccin actuel, que ce soit le variant indien, le variant d'Afrique du Sud, bien, à ce moment-là, ça va prendre d'autres vaccinations. Et on parle de la possibilité d'une vaccination, là, ou plusieurs même vaccinations à chaque année pour se ramasser dans une situation de vaccination perpétuelle que pourrait amener la crise. Au nom de protéger les gens contre la menace du virus, on pourrait leur demander d'être vaccinés régulièrement. Et par la suite, bien, c'est sûr que de vacciner les gens par rapport à une source de virus, donc une version, bien, ça crée un effet de sélection. Donc, autrement dit, on empêche une source de proliférer de coronavirus, mais pendant ce temps-là, ça laisse la place libre pour que la souche qui est résistante au vaccin puisse, dans le fond, proliférer. Donc, on sélectionne une souche pour l'empêcher de croître, de se multiplier, mais pendant ce temps-là, il y a de la place libre pour qu'il y ait la prolifération d'autres souches. Donc, à ce moment-là, ça prend d'autres vaccins pour faire face à d'autres formes de variants. Puis, comme le virus mute constamment, un peu comme la grippe saisonnière, bien, on pourrait se ramasser dans une situation comme la grippe, là, auquel les gens, à chaque année, dans certains cas, vont se faire vacciner. Sauf que là, il y aurait une très grande pression qui serait mise à la vaccination en mettant l'emphase que le virus est très grave, est très virulent, il est très létal aussi. Donc, il y aurait tout ça, là. Donc, c'est sûr que s'il y a des vaccinations multiples, ben à ce moment-là, il va falloir qu'il y ait une gestion efficace du passeport vaccinal. Et c'est sûr que si le passeport, c'est tout simplement un bout de papier sur lequel un vaccin est marqué, un deuxième vaccin, et ainsi de suite. Donc, la gestion va être compliquée. Tu sais, si par exemple, quelqu'un veut rentrer dans un commerce comme un cinéma, puis il faut qu'il montre une preuve à l'entrée que le passeport vaccinal en papier, Puis il faut que, par exemple, la personne à la réception lise pour chaque personne le papier. Ben, on perd du temps. Si c'est avec un code QRP qui est tout simplement scanné, puis on entend un clic avec une lumière verte qui s'allume, avec une code munie d'une, avec une carte munie d'une puce, ça va un petit peu plus vite. Mais ça irait encore beaucoup plus vite s'il y aurait tout simplement à l'entrée des différents commerces un scanner, qui scannerait automatiquement les gens, puis on entendrait un déclic sonore comme de quoi que la personne a été vaccinée. Un petit peu comme le scan, c'est-à-dire l'appareil de détection qui peut être présent lorsque, par exemple, quelqu'un cherche avant à voler de la marchandise à un magasin. Donc, autrement dit, quelqu'un, il y a de la marchandise avec lui, puis la personne peut oublier de payer. Elle sort du magasin, puis là, on entend un signal d'alarme. Pourquoi? Bien, parce que à ce moment-là, la marchandise n'a pas été démagnétisée par la personne qui s'occupe la caisse de paiement. Donc, ce qui amène ce son. Et c'est sûr que ce principe-là, avec entre autres la puce implantée sous la peau, serait beaucoup plus efficace. Donc, la personne, les gens à la réception, par exemple, d'un cinéma, n'auraient pas à se casser la tête. Donc, la personne, si elle entre puis entend une sonnerie suspecte, bien là, ils ont tout simplement l'intercepté en disant « Écoutez, madame ou monsieur, vous ne pouvez pas rentrer, vous n'êtes pas vacciné, point. » Au lieu de vérifier à chaque personne le papier, là. C'est sûr que le papier peut s'user aussi, se dégrader. Il peut y avoir des faux papiers aussi qui sont faits, donc une fraude. Tandis que là, avec une puce qui est liée à l'identité numérique par rapport au statut vaccinal de la personne, ça amènerait une gestion beaucoup plus simple. Surtout que si la personne entre dans un commerce, à partir de la puce sous-cutanée, l'argent pourrait être directement prélevé du compte sans manipulation physique. Parce qu'on dit que le virus peut, dans le fond, contaminer des gens à partir de manipulations qui sont faites. Donc, si vous touchez un papier qui est contaminé, comme de l'argent, ou un document qui atteste que la personne est vaccinée, bien, vous pouvez, à ce moment-là, la personne qui travaille dans ces commerces-là être contaminée. Donc, pour diminuer la contamination, l'implantation d'une puce sous la peau, ou ça pourrait être aussi, avec la technologie aussi, reconnaissance biométrique. Donc, autrement dit, la personne entre dans un commerce, il y a une caméra qui va ensuite analyser là, les traits de son visage avec un programme lié à d'intelligence artificielle, analyser aussi son iris et sa démarche physique pour détecter c'est quoi son identité, qui serait mis en relation avec un ordinateur lié à un réseau pour déterminer si la personne peut rentrer ou non. Parce que l'un des scénarios possibles dans les pays occidentaux, un peu comme qu'est-ce qui se passe en Israël, c'est qu'en Israël, quelqu'un veut aller s'entraîner à une salle d'entraînement, la personne veut aller faire du magasinage, bien ça y prend une preuve de passeport vaccinal, parce que sans ça, elle ne peut pas. Donc, c'est sûr que le nouveau contrat social qui semble vouloir être mis en place dans différents pays occidentaux, c'est celui passant par le passeport vaccinal avec le vaccin, qui le prélude éventuellement à une identité numérique et possibilité de reconnaissance biométrique un peu partout, comme ça se fait en Chine, ou implantation d'une puce sous-cutanée qui se lie à l'identité numérique. Mais dans tous les cas, à partir de certains éléments, on va chercher à reconnaître les gens. Et dans le scénario que j'entrevois, ben, c'est que les gens qui, dans le passé, s'opposaient aux mesures ont été, dans le fond, présentés comme des boucs émissaires dans le passé. Donc, on a appelé les gens qui s'opposaient au port obligatoire du masque dans le passé comme étant, par les médias, des anti-masques. Donc, au lieu de dire qu'ils sont pour, c'est des pour le libre choix en matière de port du masque, non, non. On a dit ces gens-là qui sont contre le masque, alors que ce n'était pas nécessairement le cas, parce qu'il y en a qui voulaient laisser les gens qui veulent porter le masque le porter. Dans plusieurs des cas, là, j'ai jamais rencontré en personne une personne qui me dit là, « Non, non, vous ne portez jamais le masque, là, que ce soit un chirurgien qui fait des opérations ou un dentiste. » Non, c'est une création médiatique de parler d'anti-masque. Il y a des gens qui s'opposent aux mesures comme le couvre-feu. Donc, on va les appeler les anti-mesures. Puis bientôt, on va avoir, déjà c'est commencé, là, on va appeler ceux-là les anti-vaccins. Et là, ce que j'entrevois dans les prochains mois, ça va être une pression sociale grandissante pour amener la vaccination totale de la population. Donc, les médias vont faire une campagne de propagande en disant que, ben là, si les gens ne sont pas vaccinés, à ce moment-là, ils vont peut-être propager des variants qui vont annuler les effets de la vaccination par rapport aux gens là, qui sont vaccinés. Parce que si les variants prolifèrent, ça va prendre une autre vaccination pour faire face à certains variants qui pourraient être davantage résistants par rapport au vaccin. Donc, à ce moment-là, il y a comme un entonnoir, il y a comme une logique implacable là, présentement que je vois qui s'opère pour amener la vaccination totale là, de la population. Donc, c'est sûr que le dossier va être intéressant à suivre dans les prochaines semaines parce que progressivement, j'ai l'impression qu'on nous dirige vers ça. Donc, c'est sûr que c'est quand même très préoccupant. C'est sûr qu'il faut voir aussi là, c'est quoi vraiment la substance qu'il y a dans les vaccins. Ça, c'est un autre sujet à discussion, l'impact que ça peut avoir sur la santé et ainsi de suite. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a aussi présentement l'accent qui a été mis par rapport à des manifestations contre le couvre-feu. Il y a eu à un moment donné, il y a quelques jours aussi, Gabriel Nadeau-Dubois, là, qui, celui qui s'occupe du Parti politique de Québec solidaire, qui a fait une sortie médiatique pour s'opposer à ça. Mais pour moi, l'opposition au couvre-feu, c'est pas l'opposition fondamentale parce que ça ne nous amène pas l'introduction d'une substance là, sous la peau. Donc, puis une dynamique qui nous amène vers l'identité numérique. Donc, pour moi, la question du couvre-feu à 20h, qui devrait être reportée à 21h30, de mettre l'emphase que des gens qui s'opposent à ça dans les médias, pour moi, c'est comme un débat secondaire parce que, dans le fond, la priorité, c'est de voir qu'est-ce qu'on introduit dans notre peau, puis qu'est-ce qu'on, dans le fond, en termes de substances, puis de voir aussi quel impact que ça a. Donc, c'est sûr que présentement, on se dirige tout droit là, vers une société de la quatrième révolution, c'est-à-dire sous l'influence d'une technologie de contrôle très puissante, c'est-à-dire l'identité numérique. Et c'est sûr qu'il y a une des possibilités qu'il y ait du dérapage pour se ramasser dans une situation similaire à la Chine avec le crédit social. Donc, sinon, en fait, ce que je voulais mentionner, c'est que ces temps-ci, j'écoute beaucoup de Colin Show. Donc, le gars, il s'appelle Jonas Collin. Il fait une couverture régulière de l'actualité québécoise. Donc, en faisant la lecture essentiellement de qu'est-ce qui sort comme information dans le Journal de Montréal. Donc, c'est sûr que ce qui est intéressant, c'est que c'est par rapport à des médias de masse. Puis là, il reprend l'information, puis il la commente, puis il nous amène à l'attention des choses auxquelles on ne voit pas nécessairement tout le temps aller. Parce que, dans le fond, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent dans les médias par rapport à préparer les masses à l'égard d'un scénario où les gens, entre autres, vont être perpétuellement vaccinés. Dans le sens que on nous a présenté il y a plusieurs mois comme l'arrivée du vaccin comme étant l'élément qui a amené la sortie de crise. Puis là, progressivement, ben on nous amène vers d'autres choses. Donc, une vaccination possible annuelle, puis ça se parle de plus en plus à travers les journaux. Il était question, entre autres, de responsables d'une compagnie qui produit des vaccins qui faisait allusion à ça. Par rapport à Colin, la meilleure façon d'avoir accès à l'ensemble de ses vidéos, c'est d'aller sur son compte Facebook où elles sont présentes, puis il en produit beaucoup. De ce que j'ai vu la semaine passée, il en faisait peut-être 2 par jour. C'est quand même pas mal, là. Donc, c'est une couverture très intense là, de qu'est-ce qui se passe présentement. Et il a attiré mon attention sur des nouvelles particulières. Donc, on manipule présentement l'information dans l'optique de mettre l'emphase que des jeunes, présentement, sont atteints du coronavirus ou sont morts en lien avec ça. Donc, l'idée, c'est d'amener une pression, entre autres, chez les jeunes qui, de par le fait qu'en général, les jeunes sont en meilleure santé que les personnes âgées, ne voudraient peut-être pas se faire vacciner. Donc, pour défaire ça, l'idée, c'est de mettre l'emphase sur le concept que les individus de tous les âges peuvent mourir du coronavirus. Et c'est sûr qu'en lien avec ça, il y a des découpures de journaux dans lesquelles Colin a mis l'emphase que j'ai trouvé intéressante. Et il y a des cas particuliers là, qui sont présentés dans le Journal de Montréal. Et je vais en faire lecture de certains extraits pour voir comment que l'information est orientée. Donc, par rapport à ça, là, c'est quand même particulier. Là. Vous allez voir. Donc, Il y a une découpure ici, puis je mettrai le lien là en bas de l'enregistrement. C'est marqué un jeune papa de 27 ans perd son combat contre la COVID-19. Donc, dans l'article auquel je fais allusion, c'est écrit ceci. En pleine bataille contre le cancer du cerveau, M. Bouchard est décédé de la COVID-19 le 7 février. Donc, autrement dit, dans le titre de l'article, on met l'emphase que la personne a perdu, la personne a perdu son combat. Fait que là, quelqu'un qui lit rapidement, il regarde juste le titre de l'article, il pense qu'il est mort contre la COVID-19. Mais finalement, on fait la lecture de l'article, puis on se rend compte que le gars, il était atteint du cancer du cerveau. Mais là, c'est pas pareil, là. Puis là, on met l'emphase qui est jeune. Dans l'article, c'est marqué un jeune père de 27 ans. Donc, tu sais, tout est orienté pour mettre l'emphase sur le fait que la COVID est mortelle. Donc, on cherche à amener l'attention là-dessus avec certains titres. Puis c'est sûr que si je pense à des gens, entre autres, à un moment donné, j'avais discuté avec ma grand-mère qui est âgée, elle a 97 ans, des difficultés à lire. Donc, elle lit juste les titres. Mais là, si elle lit juste les titres puis il n'y a pas tout le détail de l'information, ben ça peut l'induire en erreur parce que les titres sont tendancieux. On oriente la communication pour mettre l'emphase que les jeunes peuvent mourir de la COVID. Puis il y a un autre article dans la même veine. Donc, c'est marqué, ça c'est toujours dans le Journal de Montréal, vous allez avoir le lien là en bas de l'enregistrement. C'est marqué, un employé d'une usine touchée par la COVID-19 meurt à 34 ans. Donc, on met l'emphase sur le fait qu'il est jeune dans la communication puis qu'il a 34 ans. Là, je vais vous en lire un petit peu plus. C'est sûr qu'à première vue, quelqu'un voit ce titre-là puis dit « c'est horrible, encore un autre jeune qui meurt » pour amener la perception, puis à travers plusieurs cas, que les jeunes sont particulièrement atteints là, du virus. Donc, on va lire un peu plus. Un homme de 34 ans, employé d'une usine de transformation de porc du Bas-Saint-Laurent, est mort dimanche au moment où une éclosion de COVID-19 sévissait à l'intérieur des murs de l'entreprise. Pour le moment, cependant, il est trop tôt, ça c'est au sein du texte, là, il est trop tôt pour affirmer que le décès du gars est lié au coronavirus. Donc, je ne vais pas nommer le nom. Là. Moi, je trouve ça un petit peu indécent là, pour les gens de sa famille. vous allez voir le nom, là, si vous allez voir l'article, que nommer une personne en laissant insinuer qu'il est mort du COVID, là, hey, moi, je trouve que c'est vraiment gênant qu'est-ce qui est fait. Donc, par rapport à l'article, c'est marqué... Ensuite, après avoir laissé sous-entendre qu'il a été touché là, par le coronavirus, c'est marqué « cause indéterminée ». Selon une publication Facebook d'un membre de la famille du défunt aux Philippines, dans le fond, il aurait succombé à une crise cardiaque. Puis là aussi, c'est marqué qu'il aurait contracté la COVID-19 lors de l'éclosion ayant touché l'entreprise. Mais là, tu sais, on nous met l'emphase que... à travers le titre sensationnel qu'à quelque part, il est touché par la COVID-19. Puis là, finalement, on lit l'article, puis on apprend qu'il aurait succombé suite à une crise cardiaque. C'est pas pareil. Peut-être que le gars, il avait déjà des problèmes cardiaques au préalable. Ça, on le dit pas. Fait que moi, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on me présente des articles sensationnalistes sur la mort de quelqu'un qui est jeune, la première question qui me vient en tête, c'est est-ce qu'il y avait une condition médicale préalable? Donc, est-ce qu'il souffrait déjà une comorbidité? Ça peut être un problème cardiaque, hypertension, ça peut être obésité, la personne est auto-supprimée, ou même atteint d'un cancer. Donc, c'est la première question qui me vient en tête. Mais ça, c'est pas nécessairement abordé là, dans les médias. Là. Sinon, c'est sûr qu'en lien avec le coronavirus, de ce que j'en viens dans mes recherches au fil du temps, c'est que probablement que c'est une grippe qui est peut-être un petit peu plus grave qu'une grippe saisonnière, mais l'essentiel des gens, j'ai tombé sur plusieurs chiffres en faisant des recherches sur Internet, donc au-dessus de 99,8% environ, n'en meurent pas, là. Donc, on met vraiment l'emphase sur la gravité de tout ça. Puis, la plupart des cas qui n'en meurent pas, donc au-dessus de 99%, par rapport à des jeunes, on n'entend pas parler. Moi, j'ai eu la chance de discuter avec un couple de jeunes qui, des gens dans la trentaine, qui ont été atteints par le coronavirus. L'un d'entre eux, ce qu'il me dit, ben, c'est qu'il a fait de la fièvre, il y a eu un peu plus de fatigue, la voix changée, un peu de tout. Mais ce qu'il me présentait, c'était, ça revenait aux symptômes grippaux là, habituels. Par contre, sa compagne, elle a fait une pneumonie là, suite à avoir été atteinte du coronavirus, mais au préalable, elle était déjà fatiguée là. C'est ça. Sinon, j'ai eu d'autres retours d'informations de différentes personnes aussi, là. Ça, c'est parce que je vous en parle de ce cas-là, parce que c'est plus récent. Mais ce qu'on observe, c'est que les médias, quand que c'est des symptômes similaires à la grippe ou c'est asymptomatique, habituellement, ils mettent pas l'emphase là-dessus par rapport à des jeunes. Ce qu'on nous présente, c'est des cas qui on met l'emphase sur la gravité des cas. Donc, il y a un biais de sélection. Fait que c'est pas représentatif de l'ensemble des gens là, qui sont atteints du coronavirus. Puis ça sert à quoi de faire ça? Ben, ça sert à mettre l'emphase sur la menace pour justifier par la suite, en mettant l'emphase là-dessus, que les gens se fassent vacciner. Donc, c'est ça l'agenda qui est présenté, là. Qui est mis de l'avant par le gouvernement et les médias, c'est mettre l'emphase sur la menace pour justifier plus de mesures de contrôle. Et c'est sûr que ça peut servir l'agenda là, d'implanter là, une identité numérique. Donc, c'est sûr que par rapport à la suite des choses, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, auquel a amené l'emphase là, Colin, du Colin Show, ça a été la lecture d'un article qui a été produit il y a très longtemps, c'est-à-dire le 8 février 2010, où il était question, puis on peut le retracer, c'est encore dans le Journal de Montréal, de la fausse pandémie, conflit d'intérêts. Donc ça, c'était par rapport à la grippe H1N1. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai l'impression qu'un scénario similaire est en train de se produire présentement avec la crise là, du coronavirus. Donc, je vous lis l'article. Le gouvernement du Québec est blâmé d'avoir naïvement suivi le mouvement mondial. Des experts québécois et européens accusent l'Organisation mondiale de la santé, OMS, d'avoir exagéré l'importance de la grippe A H1N1 et d'avoir favorisé volontairement l'enrichissement de l'industrie pharmaceutique. Nullement épargné par cette controverse, le gouvernement du Québec est blâmé d'avoir naïvement suivi le mouvement mondial. Là, j'arrête la lecture ici. Et qu'est-ce qui se passe présentement avec la crise? Ben, j'ai l'impression que notre gouvernement suit naïvement ce que recommande l'Organisme mondial de la santé, d'autres instances aussi dans certains cas. Et aussi, ça va sans doute participer à l'enrichissement de l'industrie pharmaceutique, surtout si on parle de la possibilité de vaccination, voire une ou plusieurs fois par année avec des produits chimiques. Donc, je poursuis. Dans une étude parue lundi dans le magazine Protégez-vous, on rapporte que dans la foulée de l'éclosion du virus, l'OMS aurait allégé cette définition de pandémie, laissant ici la belle part aux compagnies pharmaceutiques qui auraient profité de cette hystérie pandémique. Donc, là, c'est sûr qu'on fait allusion, là, j'arrête la lecture, là, au changement de la définition de pandémie qui a été faite en 2009, en s'appuyant plus sur le nombre de morts, mais le nombre de cas. Là, à ce moment-là, ça devient de plus en plus facile de dire qu'une pandémie, là, tout simplement par rapport à un nombre de cas de personnes atteintes d'un virus. Donc, je poursuis. C'est cette modification qui a rendu possible la transformation d'une banale grippe en pandémie mondiale, a notamment dénoncé au magazine Wolfgang Vordarg, épidémiologiste allemand et ex-président de la sous-commission de la santé du Conseil de l'Europe. Les liens entre l'OMS et l'industrie pharmaceutique ont été également soulevés comme cause possible de ce dérapage. En 2006 déjà, les États ont commencé à conclure de gros contrats avec des sociétés pharmaceutiques pour faire face à d'éventuelles pandémies. Ces engagements de commercialisation devaient prendre effet dès que l'OMS déclarait officiellement une pandémie. Quand l'OMS l'a fait, elle a joué un rôle clé et cela a accru de 18 milliards de dollars les dépenses de santé dans le monde. Les sociétés pharmaceutiques s'étaient préparées. Elles n'attendaient en fait que cela, ajoute le docteur Wodark. Bon, mais vous avez le scénario. Les compagnies pharmaceutiques sont en stand-by, sont en attente. Et il suffit que l'OMS déclare une pandémie, puis là, ils vont se mettre à produire les vaccins. Donc, je vais conclure avec la lecture d'un autre paragraphe de l'article que vous allez avoir en pièce jointe, là, naturellement, là, en bas de l'enregistrement présent pour le lire. Donc, on a déclenché une fausse alerte. Le gouvernement du Québec s'est conduit comme un bon petit soldat et a mené la campagne de vaccination la plus efficace au monde. Il a été naïf et tout cela a été un gaspillage d'argent. Il n'y a pas eu des millions de morts et rien ne justifiait cet état d'urgence, déplore Pierre Biron, ex-professeur de pharmacologie en médecine. Donc, je complète la lecture de l'article par rapport à ça. C'est que, dans le fond, pour la grippe H1N1, par rapport à ce qui s'est passé, le changement de la définition de c'est quoi une pandémie qui a laissé la porte ouverte aux pharmaceutiques, naturellement, là, de produire des vaccins, puis qui a amené le gouvernement à acheter massivement là, des vaccins. À mon avis, c'est un scénario similaire qui se reproduit présentement. Donc, et on verra qu'est-ce que vont dire les gens de la pandémie actuelle, là, que ce soit de plusieurs années après, là. On verra s'il y aura une analyse critique qui va se faire dans les journaux, comme ça a été le cas là, pour la grippe H1N1. On verra bien. Mais sinon, en fait, le scénario, le plan, puis je vais vous lire un article en lien avec ça, qui a paru récemment dans la presse. Puis vous allez avoir le lien là, en bas de l'enregistrement présent. Ce qui est indiqué, c'est qu'une levée des restrictions envisageables à l'été, dit la santé publique. Donc, la santé publique évoque un retour à la normale mi-juillet à août, dès lors que 75% des Canadiens ont reçu une première dose d'un vaccin, que 20% ont reçu deux injections. Pendant ce temps, le Canada met toutes les chances de son côté pour les années à venir en achetant des dizaines de millions de doses de rappel du vaccin de Pfizer-BioNTech. Fait que là, dans l'article, qu'est-ce qu'on nous amène comme information? On nous dit dans un premier temps qu'on se dirige vers un retour à la normale pour l'été. Ah, ben là, la crise va être réglée. Puis là, tranquillement, on nous dit, ben là, on prépare le terrain pour nous amener l'idée que il va falloir que le Canada achète des dizaines de millions de doses de rappel. Ça veut dire quoi? C'est qu'on entrevoit d'autres vaccinations. Fait que le retour à la normale où les gens n'avaient pas à se faire vacciner continuellement, en réalité, on ne le prévoit pas. C'est ça le point. Puis là, c'est marqué dans l'article et rien n'est tout à fait acquis, car les variants plus contagieux sont très présents au Canada. Il faut donc demeurer vigilant. Fait que là, on prépare le terrain en disant que on se dirige vers un retour anormal, mais il ne faut pas prendre ça pour acquis parce qu'il y a des variants. Puis là, progressivement, on va sans doute amener la vaccination pour les prochains mois, les prochaines années, en disant que c'est contre la menace des variants que les gens faut se refassent vacciner. Donc, on se dirige vers un scénario de la vaccination perpétuelle, comme je vous disais. Dans l'article, par la suite, c'est indiqué ceci. Ottawa achète des doses de rappel. Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé peu après que le gouvernement canadien a mis la main sur des centaines de millions de doses de rappel, booster doses, pour les années à venir en vue d'une entente avec la pharmaceutique Pfizer. Nous avons conclu un accord avec Pfizer pour 35 millions de doses de rappel l'année prochaine et 30 millions l'année suivante. Cet accord comprend des options pour ajouter 30 millions de doses en 2022 et 2023, une option pour 60 millions de doses en 2024, a-t-il détaillé en conférence de presse. Fait que là, vous voyez très bien, là, c'est un article qui est dans la presse. Donc, dans les médias officiels, on prépare présentement progressivement le terrain pour que les gens se fassent à l'idée que dans les prochaines années, 2022, 2023, 2024, il y ait de la vaccination qui s'opère. Et ce qu'on se dirige, comme je vous l'expliquais depuis tantôt, c'est progressivement sur une société où les gens sont continuellement vaccinés. Et là, c'est sûr qu'à chaque fois qu'une personne se fait vacciner, si elle marque ça dans le carnet ou si elle a un papier, bien là, on peut égarer les papiers et ainsi de suite. Donc, ça va prendre éventuellement une identité numérique pour gérer ça d'une manière efficace. Fait que moi, j'ai l'impression qu'on est dans une logique implacable qui amène une numérisation là, de l'identité des gens là, derrière ça. On verra bien qu'est-ce qui va arriver dans les prochains mois, les prochaines années. Donc, on va voir si, entre autres, le 1er mai, parce qu'il y a une manifestation qui est annoncée pour bientôt, si les gens vont manifester là, en grand nombre, vous allez avoir de l'information là, par rapport à la manifestation là, sur Facebook. pour s'opposer aux mesures, si ça va amener cette fois-ci un changement. On verra tout ça. Sinon, ce que j'ai à dire, ben, si on en regarde aussi qu'est-ce qui se passe par rapport à la DPJ, il y a un article récent qui est sorti dans le Journal de Montréal, je vais vous le partager naturellement en bas de l'enregistrement, qui dit que présentement, la DPJ peut imposer à un enfant de faire du dépistage pour savoir s'il est atteint du coronavirus et aussi de se faire vacciner. Donc, autrement dit, la DPJ qui sert à protéger les enfants ici au Québec pourrait amener une imposition de la vaccination des enfants. Et moi, ce que j'ai l'impression, c'est que dans le fond, on prépare le terrain aussi au niveau de la DPJ pour que, à quelque part, il y ait la possibilité dans quelques mois que les enfants qui sont dans des milieux familiaux qu'on dit que les parents sont conspirationnistes, qui s'opposent aux mesures sanitaires, le port du masque obligatoire, la vaccination, soient vus comme étant une menace au développement de l'enfant et éventuellement la possibilité que des enfants soient retirés de leur famille à cause que les parents sont jugés comme ayant des croyances complotistes. Donc ça, c'est la prédiction. On n'est pas rendu là, mais j'ai l'impression là qu'on se dirige vers ça progressivement là, par rapport aux enfants. Donc c'est un dossier à suivre. On verra bien là, qu'est-ce qui arrivera. Mais présentement, le point où ce qu'on en est, c'est qu'une vaccination peut être imposée aux enfants. Et là, c'est sûr que le questionnement que j'ai en lien avec la crise du coronavirus, c'est de voir pourquoi imposer une vaccination à des jeunes enfants si les enfants, en général, à moins qu'il y ait une condition médicale, n'en meurent pas du coronavirus. C'est quoi la pertinence de faire ça? Il y a des gens qui vont dire, ben là, si l'enfant est vacciné, il va éviter de propager le virus à ses parents, à ses grands-parents, OK. Mais il faut comprendre que le vaccin à base d'ARN n'empêche pas la propagation du coronavirus. Ce qui empêche, c'est que il y a des effets importants, supposément là, liés à la contamination par rapport au virus. Donc, ça diminue les impacts des effets du virus sur l'individu. Donc, ça diminue les symptômes. Donc, tout simplement. Et là, la question à se poser, c'est que s'il y a une masse de personnes qui sont vaccinées puis qui attrape le coronavirus, donc il risque d'être asymptomatique. Puis s'il reste d'être asymptomatique, c'est possible que, sans s'en rendre compte, malgré eux, ils propagent le coronavirus. Donc, il y a un cercle vicieux aussi lié à ça, dans le sens que des gens, sans s'en rendre compte, pourraient propager davantage le coronavirus parce qu'ils n'ont pas de symptômes, parce qu'ils sont vaccinés puis ils vivent le virus plus faible. Donc, c'est un petit peu tordu parce que pour contrer ça, ben qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ben c'est augmenter plus de tests de gens au sein de la population, que les gens soient testés plus régulièrement au cas où qu'ils soient asymptomatiques. Mais encore faut-il que le test PCR avec les covions ou celui de manière buccale soit fiable pour évaluer correctement si la personne est atteinte du coronavirus. Donc, pour moi, on s'enlise dans une logique médicale qui va faire en sorte, entre autres, dans le fond, un peu comme pour les bactéries. Vous savez que plus que vous utilisez un antibiotique pour neutraliser une bactérie, et plus que ce qui arrive, c'est que des souches nouvelles de la bactérie apparaissent parce que ça se modifie avec des souches qui, des versions modifiées, là, des bactéries qui deviennent résistantes à l'antibiotique. Donc, plus qu'on utilise quelque chose, plus que ça développe de la résistance, j'ai l'impression que c'est le même scénario qui va s'opérer avec les vaccins. Donc, plus qu'on utilise un vaccin pour faire face à une sorte de coronavirus, puis plus que les mutants, les variants vont apparaître en contrepartie comme étant résistants au vaccin ou n'étant pas, dans le fond, par rapport aux vaccins là, affectés. Là. Donc, on s'enlise dans une espèce de dynamique où on introduit des choses, puis par la suite, ben il y a le contraire qui prolifère à cause de ça, c'est-à-dire une autre forme de ben, le contraire, c'est-à-dire l'effet contraire dans le sens qu'on veut empêcher qu'il y ait des virus qui se propagent, puis finalement, implicitement, on amène une sélection du virus en fonction du vaccin développé qui amène la prolifération de d'autres virus. Donc, j'ai l'impression qu'on se dirige vers ça. On verra bien là, qu'est-ce qu'il y en est. Mais le scénario, je suis content parce que je l'ai dessiné là, devant vous là, à travers cet enregistrement-là audio au début. du scénario vers lequel on se dirige, à moins qu'il y ait une pression, entre autres populaire, pour amener un changement ou une intervention particulière là, des gens là, ou quelque chose de spécial, là, mais on se dirige tout droit vers ce scénario-là. Donc, je voulais dresser le portrait de la situation. On verra bien là, qu'est-ce qui va arriver avec les démarches légales là, pour faire ralentir les mesures ou s'y opposer. Ça, c'est un autre dossier à suivre. Mais présentement, pour ce qui est de la situation du Québec, il n'y a pas eu vraiment de recul là, à ce niveau-là. Mais on verra dans les prochains mois. Donc, dossier à suivre. Merci de votre écoute et à bientôt.